Et donc, c'était à l'instant Captain Big, lobotomisé. Et là, ce que vous entendez, ben, c'est la suite. On revient à cette rubrique hein, qui s'appelle Triturer, Mélanger, Servir, cette nouveauté sur, dans le direct live From the Hellsass. Et là, donc, c'est Dodécaèdre qui s'est collé au remix des Grelots. Et bon, on retrouve un petit peu les Grelots au début, et puis après, ben, il paraît que ça l'a rendu fou, et que ben, c'est pour ça qu'il nous a fait du 180 battements par minute. Rien que ça. Hein. Donc, cette rubrique du Direct Live From the Hellsass, ça consiste en quoi? Eh bien, il y a eu un point de départ des Grelots, mais il va y en avoir de plus en plus de choses à utiliser dans cette rubrique. Il s'agit de faire des sons de 2 minutes. En remixant à l'infini tout ce qui a déjà été fait auparavant et en donc en le samplant sans modération et en rajoutant aussi vos propres ingrédients effectivement mais qui sont libres en tout cas pour cette utilisation. Ne mettez pas du Chantal Goya dedans parce que sinon je mords. Donc là, Dodécaèdre qui nous a fait, comment que ça s'appelle de nouveau, Acid New Year, ça c'est le titre de son morceau que je vous fais donc écouter maintenant à son niveau sonore normal. Par contre, bon, il a fait plus long que 2 minutes, mais on va quand même l'écouter en entier, c'est pas bien grave. Petite erreur de manipulation parce que là c'était une version écourtée que je vous faisais entendre. Donc où est-ce qu'il est de l'aspirateur traîneau, Acid New Year. Bon ben on va le glisser là. Ici celui-là, donc celui qui est en train de courir, là, hop, on l'arrête. Là je viens de voir 2 minutes, donc c'est une version écourtée, alors que c'est la version en entier que je voulais vous faire entendre. Donc on reprend, ben voilà, heureusement qu'il n'y a pas de bêtisier, parce que sinon là, ce serait bon, je serais bon pour repasser dans ce bêtisier-là. Donc, Acid New Year par Dodécaèdre, et cette fois-ci, effectivement, le morceau complet, et non pas la version éditée, là, que j'ai remise par erreur. It is nothing serious. It is nothing serious. It is nothing serious. We'll be right back. Et cette fois-ci, donc, c'était bien la version entière que je vous ai fait passer. Et ben, on continue. Donc, j'avais dit du punk et il y a du punk qui vient après ce big beat. Du punk avec Musti Lighton. C'est un artiste finlandais. En fait, c'est un groupe avec Ville Pitkanen à la basse, au clavier et au chant, Rope Seppala à la guitare, au clavier et au chant, et Reima Tuovinen à la batterie et au chant. Extrait de l'album Halli de 1998. Ça s'appelle Pahapaika, ce qui veut dire le mauvais endroit, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Mais ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment, puisque vous êtes sur Radio Dogmazic pour écouter le direct live from the Hellsass. Ce morceau se trouve sous licence Creative Commons by 2.5. C'était court, mais ça débouche bien les oreilles. Pahapaika par Musti Lighton, qu'on retrouvera tout à l'heure, mais dans un tout autre style, donc ce même groupe, parce qu'ils ne font pas que du punk. Mais pour l'instant, bah, on reste dans le rock, mais un rock plus calme, du folk rock, on va dire, quelque chose comme ça, avec James Muller. James Muller, qui est un Américain, en fait, j'avais trouvé sur archive.org Billy the Rabbit Boy, aucune mention de quoi que ce soit, est-ce que c'est est-ce qu'il y a une licence ou pas, et j'ai finalement réussi à contacter cet artiste. Et alors, qui est tout à fait enthousiaste pour que je fasse passer. Alors bon, on peut pas dire que ce soit sous licence libre, puisque il m'a pas répondu en tant que tel, mais bon, il n'est pas inscrit dans une SPRD ni quoi que ce soit, donc on pourra le faire passer. Et puis il nous a m'a fait parvenir également un autre morceau qui est qui s'appelle Godard. Donc dans l'ordre, on va quand même un peu présenter les morceaux. Donc Billy the Rabbit Boy, qui a été mis en ligne donc en 2006, 25 janvier 2006 sur archive.org, vous aurez le lien tout à l'heure. C'est un garçon lapin apparemment. Et j'ai vaguement entendu dans la chanson qu'à un moment, il rencontre une espèce de curé. Bon, il rencontrerait un curé, ça passerait encore. Bon, mais là, c'est une espèce de curé. Non, là, ça va plus. Et puis, juste après, ben, Godard de l'album All Hermits Are Not Alike. Donc, il s'agit de l'histoire d'amitié entre François Truffaut et... Oh là, j'ai oublié le prénom de comment il s'appelle, Godard. Non, pas recherche d'image, recherche tout court. Alors on va faire Wiki Godard. On va y aller. Jean-Luc Godard, voilà. Je savais que c'était en deux syllabes, mais ça m'avait échappé. Et donc Jean-Luc Godard et François Truffaut, donc qui et leur histoire d'amitié tout simplement. Ça donc pour le deuxième morceau de James Muller. Et qui lui est de cette année, hein, de 2008. Alors il a également donc un groupe qui s'appelle White Wolf Sonic Princess en un seul mot, donc qui a sorti notamment l'album This Car Available, qui est absolument de la même veine, quoi. Donc on est dans le rock, folk rock, pop rock, folk, mais ça s'écoute bien, c'est pas mal, hein. Donc non, c'est pas celui-là qui doit passer, il est déjà passé. Donc Billy the Rabbit Boy, Godard, par James Muller. Billy the Rabbit Boy, he is a beer boy, living a life of joy, living a life of joy. Billy the Rabbit Boy, he is a beer boy, thinks the world's a star, thinks the world's a star. Billy the Rabbit Boy, he is a beer boy, refrains from eating salt, living a life of joy. Billy the Rabbit Boy, he is a beer boy, living a life of joy, living a life of joy. Billy, you are a rabbit boy. Billy the Rabbit Boy, he isn't being caught, refrains from eating salt, living a life of joy. Billy the Rabbit Boy, he isn't being caught, living a life of joy, living a life of joy. Billy went to see the preacher man. Preacher told him heaven's in. Are you just being cool? À l'instant, James Mueller, donc ce musicien de l'Illinois, là, en fait, c'est qui a donc son groupe Wild Wolf Sonic Princess, issu en fait d'une troupe de théâtre amateur montée en association, et donc où ils font du coup aussi de la musique, comme on peut pas appeler ça un dommage collatéral. C'est collatéral, mais c'est pas un dommage. Le terme n'est pas approprié. Et on reste encore aujourd'hui dans le rock, hein, on passe pas encore aux choses bizarres, ça pourrait venir, hein, mais là pour l'instant on est plutôt dans les choses un petit peu rock, avec Latex en camisole de, de Sao Shia, NT2, enfin c'est un 2, c'est un carré plutôt, c'est le 2 qui se trouve en l'air là, tout en haut, encore un qui a choisi une orthographe bizarre, ce qui fait qu'on ne sait jamais trop comment le prononcer, on est presque obligé d'épeler le nom, et c'est... Latex en camisole, qui est sous licence Creative Commons by SA, c'est-à-dire qu'on peut le réutiliser. C'est un petit peu comme la licence Art Libre d'ailleurs, hein, by SA 2.5. C'est-à-dire qu'on peut le réutiliser, le modifier, mais il faut rester sous le contrat Creative Commons by SA 2.5. Quoi qu'on fasse. Et donc ça, il nous a mis ça au mois de mai, son Latex en camisole, la démo finale. Donc là c'est donc une version démo, mais une démo finale. Dans une cage, ma raison ne croule pas sous sa réserve. Miraculé d'outre terre, je m'enfuis à tire d'aile. Détails dans mon cortex, tous mes ne sert à rien de faire d'une armée une étincelle. Nous sommes parvenus à vous sans l'aide d'un sage en éveil. Et voilà, j'étais presque emporté par ce vortex, j'ai failli m'oublier avec toutes les choses que je fais en même temps, alors que je suis encore en train de faire l'émission, je m'occupe déjà de la mise en ligne de la première demi-heure. Résultat, je me retrouve à faire 36 000 choses entre le chat d'un côté, le forum de l'autre, la musique qui passe, parler dans le micro, sauvegarder et mettre en ligne. Ça fait pas mal de choses, également, autre occupation, autre endroit qui fourmille d'occupation, c'est la rue The Street, c'est le titre de la chanson de Lord Eric Haugen, qui vient en fait de, au départ, ça vient le même endroit que tout à l'heure, hein, archive.org, sauf qu'il semble que cette fois-ci, ce ne soit plus vraiment disponible sur archive.org. J'ai trouvé des liens vers la chanson quand même par d'autres moyens, donc ça, je vous mettrai les liens sur le forum. Et si vous avez téléchargé l'émission par le peer-to-peer, ce téléchargement n'est absolument pas illégal, hein, je tiens à le souligner, parce que tous les artistes ont donné leur autorisation pour ce type de diffusion. Alors tout à l'heure, James Muller, vous ne pouvez pas le télécharger isolément par contre, mais vous pouvez télécharger l'émission entière avec le morceau dedans. Il a donné son autorisation pour ça. Donc je reviens à Lord Eric Haugen. Donc ça vient de l'album Soma Sex Dreams. Qui date donc de 2004. J'ai quand même réussi à trouver un lien vers un MP3 directement. Sur polyholiday.com /catalogue/ PHCDR014. Donc je redonne l'adresse www.polyholiday.com/catalogue/PHCDR014 et puis de nouveau en minuscule .html et là vous avez également donc l'album de Lord Eric Haugen, Soma Sex Dreams, dont ce titre sous licence Creative Commons by NCND 2.0, donc modification et vente interdite. On peut par contre simplement le... On peut le télécharger dans le sens descendant et montant, le dupliquer par tout moyen tant que c'est pas commercial et qu'on ne le modifie pas. Donc ça s'appelle The Street. Well, I can make it hot. Better show me what you got. Cause when you à l'instant The Street par Lord Eric Haugen sur le direct live from the Hellsass. Et retour donc à la rubrique triturer, mélanger, servir avec un nouveau remix. Alors là en fait j'ai trituré et mélangé avant de servir ce qui est passé tout à l'heure en fait, hein, c'est-à-dire le... comment c'est quoi nouveau son titre il est donc Acid New Year de Dodécaèdre. Et j'ai complètement mélangé le truc, mais alors sévèrement, hein. On aboutit à quelque chose d'arythmique et d'inharmonique. Et j'ai néanmoins essayé de jouer en rythme et en harmonie sur la basse, dont je ne sais pas jouer, en essayant de suivre ce machin complètement déstructuré. Et ça a donc donné un morceau qui s'appelle Blues du vinyle, parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop de sonorité électronique finalement, et qu'il fallait revenir à quelque chose d'un petit peu plus acoustique, analogique. Et j'ai rajouté même donc des bruits, des crépitements et différentes choses comme ça pour vieillir un petit peu le truc, hein. Parce que ces choses un petit peu trop propres là tout le temps, ce numérique finalement, tous ces craquements, ça nous manque un peu. Enfin tout à l'heure avec la dernière chanson de Noël, c'est-à-dire qui est la première de l'année, on a quand même eu droit à pas mal de craquements quand même, ce qui est déjà pas mal. Un enregistrement de 1906, ça vaut aussi son pesant de cacahuètes pour ça. Alors là, je n'en ai pas mis autant, mais c'est tout simplement la suite de ce remix, hein. Et là, il faut que je me dépêche parce que je suis à la bourre pour changer de partie, pour enregistrer la troisième partie.